Chaque vivant version consumée, c'est tout. Et lorsqu'il murmure son nom, résonne. La foule succombe, la glace résonne. Chaque mot m'enchaîne, chaque cri se tord. Ton ombre danse dans l'abîme gelé. Chaque mot frappe, chaque souffle figé. Rider's Kill charme, ses murmures dominent. La foule succombe, la glace s'incline. Ton ombre ronde au cœur des fissures. Chaque note pèse, chaque désir perdu. Les montagnes se fendent, chaque mot déchire, chaque voix s'étend. Riders Kill règne, ses paroles m'enflamment. La foule succombe, happée dans les flammes. Ton souffle glace, ton ombre envahit. Chaque frisson hurle, prisonnier de la nuit. Je murmure ton nom, je brise le silence. Chaque mot me lie dans la décadence. Whisper deeper, frozen fire. Rider's Kill drags us higher. Through the ice, worlds collide. Apocalypse burns inside. Tes mains de glace m'enchaînent encore. Chaque cri s'efface, chaque souffle dévore. Riders Kill charme, son nom m'obsède. La foule s'écroule, la glace cède. Ton ombre ronge, ta voix me brise. Chaque mot s'imprime, chaque souffle s'aiguise. Nos voix s'élèvent, les chaînes se ferment. Chaque soupir nourrit la tempête éternelle. La glace sur le monde s'effondre. Chaque note frappe, chaque cri succombe. Riders Kill règne, sa voix s'élève. L'apocalypse tremble, la foule s'achève. Ton souffle consume, ton nom enchaîne. Chaque murmure rêve une fête. Whisper deeper. C'est pur, l'apocalypse chante.